Encore un de ces soirs où dans ma tête les idées filent. J'aime pas te raconter d'histoire, je fais pas du rap pour cinéphile. Même si ma vie défile, je vais pas me défiler. Je reste vrai, y'a tellement de faux, ça me fait halluciner. Nostalgique d'une époque, que reste-t-il au final? J'ai perdu plus de potes que de putes, gros, ça me fait si mal. En poche, même pas 6 balles, à la base pourtant si fier. Fumé, ouais, j'tard les cigares, foncé en à peine 6 bières. Avant de finir au cimetière, je veux rendre fier mes semblables. Une pensée pour ma mère, rien d'en parler, gros, mon cœur s'emballe. Tu perds la vie pour 100 balles. Une histoire encore bizarre, encore un soldat sans grade qui finit dans le corbillard. Frère, on avance dans le blizzard, loin des délires type bizarre. Laser nous fait la bise, la peine se lit sur les visages. Moi, je rêve de beaux paysages, mener une vie sans fracture. J'aimerais tourner la page avant que mon cerveau sature. J'aimerais tourner la page, connaître le bonheur avant de nager dans les cieux. J'ai fait naufrage, l'espoir se meurt. J'ai toujours cette rage dans les yeux. Les années passent, du mal à assumer. C'est soit je prends le large, je change de place ou je continue à me consumer. Tourner la page, connaître le bonheur avant de nager dans les cieux. J'ai fait naufrage, l'espoir se meurt. J'ai toujours cette rage dans les yeux. Les années passent, du mal à assumer. C'est soit je prends large, je change de place ou je continue à me consumer. On veut ta cage fou, fuis la foule au sale coup. Quand plus rien ne t'oblige à rester planté dans tes galères. Juste tourner la page pour suivre un nouveau parcours et voir grandir nos fils, faire danser nos filles dans des palais. Quand le monde devient offensant, les paroles sont exécrables. Plus rien n'a d'importance, donc la nostalgie s'efface et le sort attise les drames. Mais on survit loin du parvis des stars, instable et si seul, alors on cherche la compagnie des braves. Goûter à la paix, rien qu'un instant, se mêler à la fête, résister à la tête de ces cinq sens sans rester à la traîne et penser à l'après. Mais dites-nous par où passe-t-on, qui a la force de percer l'abcès. Destin impassible ou libre arbitre passable, perdu dans le passé, on oublie vite l'essentiel. Comme si la terre tournait autour de nous, même s'ils se foutent de nous, coûte que coûte, on restera tous debout. J'aimerais tourner la page, connaître le bonheur avant de nager dans les cieux. J'ai fait naufrage, l'espoir se meurt. J'ai toujours cette rage dans les yeux. Les années passent, du mal à assumer. C'est soit je prends large, je change de place ou je continue à me consumer. Tourner la page, connaître le bonheur avant de nager dans les cieux. J'ai fait naufrage, l'espoir se meurt. J'ai toujours cette rage dans les yeux. Les années passent, du mal à assumer. C'est soit je prends large, je change de place ou je continue à me consumer. Premier pas pour briser la glace ou prendre sa place pour évoluer loin des bad news. Tourner la page et se frotter au vent frais, goûter aux grandes plaines après avoir bouffé l'asphalte, ouais. Pouvoir s'évader, se sentir libre pour la première fois, partir loin d'ici pour sa faute-t-il. Seulement jeter un pavé dans sa mare. Ici j'étouffe, je manque d'air, j'ai plus le choix, j'aimerais vraiment tourner la page, laisser les annotations dans la marche. Je suis prêt à larguer les amarres, ici l'amour est mort. Chaque jour je me demande comment sortir de ce cauchemar. Suivre le trou, on y en a marre, je veux voir ce qu'il y a dehors. Je gratte pour à mon tour pouvoir partir autre part. Comment donner de la force et rendre tout ce qu'on n'a pas encore acquis? C'est pas si simple d'avoir la foi. On arrive à peine à croire en nous-mêmes. Comment penser que c'est dans la mort qu'on aura ce qu'on n'a pas pu vivre? Mais au final, si on s'en sort, on verra bien là où l'histoire nous mène. Tourner la page, connaître le bonheur avant de nager dans les cieux. J'ai fait naufrage, l'espoir se meurt. J'ai toujours cette rage dans les yeux. Les années passent, du mal à assumer. C'est soit je prends large, je change de place ou je continue à me consumer. Tourner la page, connaître le bonheur avant de nager dans les cieux. J'ai fait naufrage, l'espoir se meurt. J'ai toujours cette rage dans les yeux. Les années passent, du mal à assumer. C'est soit je prends large, je change de place ou je continue à me consumer.